Les journaux indonésiens International Media et International Journal, les Indiens Rising Europe, Indian and World Event, Awakening et Voice of Million, les Bangladais Daily Folk et Daily Industry, les Pakistanais Quetta Daily Independent et Election Times ont traité spécialement la journée du soleil. Les journaux ont exalté les exploits mortels du président Kim Il-sung qui a conduit le courant politique du monde du XXe siècle sous la bannière de l'indépendance anti-impérialiste. Les journaux indonésiens ont exposé le portrait en sourire du président Kim Il-sung et les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un, alors que le journal indien Rising Europe, les photos du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et le journal Indian and World Event, la photo du président Kim Il-sung.